Le voyage sentimental par Monsieur Stern sous le nom d'Yorick, traduit de l'anglais par Monsieur Freinet. Première partie. Voyage sentimental en France. Laurent Stern. Chapitre 1. Je pars, j'arrive. Cette affaire, dis-je, est mieux réglée en France. Vous avez été en France, me dit le plus poliment du monde et avec un air de triomphe la personne avec laquelle je disputais. Il est bien surprenant, dis-je en moi-même, que la navigation de 21 000 puisse donner tant de droits à un homme. Je les examinerai. Ce projet fait aussitôt cesser la dispute. Je me retire chez moi. Je fais un paquet d'une demi-douzaine de chemises, d'une culotte de soie noire. Je jette un coup d'œil sur les manches de mon habit. Je vois qu'il peut passer. Je prends une place dans la voiture publique de Douvres. J'arrive. On me dit que le paquebot part le lendemain matin à 9 heures. Je m'embarque. Et à 3 heures après-midi, je mange en France une fricassée de poulet, avec une telle certitude d'y être que s'il m'était arrivé, la nuit suivante, de mourir d'indigestion, le monde entier n'aurait pu suspendre l'effet du droit d'aubaine. Mes chemises, ma culotte de soie noire, mon porte-manteau, le tout aurait appartenu au roi de France. Et ce petit portrait que j'ai si longtemps porté, et que je t'ai si souvent dit, ma Lisette, que j'emporterai avec moi dans le tombeau, hélas, que serait-il devenu? On me l'aurait arraché du cou. En vérité, c'est être peu généreux que de se saisir des effets d'un imprudent étranger, que la politesse et la civilité de vos sujets engagent à parcourir vos états. Par le ciel, sire, le trait n'est pas beau. Il ne convient pas au monarque d'un peuple si honnête et dont la délicatesse des sentiments est si vantée partout d'en agir ainsi avec moi, qui ne désire autre chose que de le connaître et de me familiariser avec lui. À peine ai-je mis le pied dans vos états. Chapitre 2. Calais. Sensation. Je dînais, je bus, pour l'acquis de ma conscience, quelques rasades à la santé du roi de France, à qui je ne voulais point de mal. Je l'honorais, et respectais, au contraire, infiniment, à cause de son humeur affable et humaine. Et quand cela fut fait, je me levai de table, en me croyant d'un pouce plus grand. Non, dis-je, la race des Bourbons est bien éloignée d'être cruelle. Ils peuvent se laisser surprendre. C'est le sort de presque tous les princes. Mais il est dans leur sang d'être doux et modéré. Tandis que cette vérité se rendait sensible à mon âme, je sentais sur ma joue un épanchement d'une espèce plus délicate, une chaleur plus douce et plus propice que celle que pouvait produire le vin de Bourgogne que je venais de boire et qui coûtait au moins 40 sols la bouteille. « Juste Dieu, m'écriai-je, en donnant un coup de pied dans mon porte-manteau, qu'y a-t-il donc dans les biens de ce monde pour aigrir si fort nos esprits et causer des querelles si vives entre ce grand nombre d'affectionnés frères qui s'y trouvent ? Lorsqu'un homme vit en paix et en amitié avec les autres, le plus pesant des métaux est plus léger qu'une plume dans sa main. Il tire la bourse, la tient ouverte, et se regarde autour de lui comme s'il cherchait un objet avec lequel il pourrait la partager. C'est précisément ce que je cherchais. Je sentais toutes mes veines se dilater. Le battement de mes artères se faisait avec un concert admirable. Toutes les puissances de la vie accomplissaient en moi leurs mouvements avec la plus grande facilité. et la précieuse la plus instruite de Paris, avec tout son matérialisme, aurait eu de la peine à me reconnaître et à m'appeler une machine. Je suis persuadé, me disais-je, à moi-même, que je bouleverserais son credo. Cette idée que se joignit à celle que j'avais, éleva en moi dans ce moment la nature aussi haut qu'elle pouvait monter. J'étais en paix avec tout le monde auparavant, et cette pensée acheva de me faire conclure le même traité avec moi-même. Si j'étais présent roi de France, me disais-je, quel moment favorable à un orphelin pour me demander, malgré le droit d'aubaine, le porte-manteau de son père. Chapitre 3. Le moine à Calais. Cette exclamation était à peine sortie de ma bouche qu'un moine, de l'ordre de Saint-François, entra dans ma chambre pour me demander quelque chose pour son couvent. Personne ne veut que le hasard dirige ses vertus. Un homme peut n'être généreux que de la même manière qu'un autre, selon la distinction des casuistes, peut être puissant, sed non ad hanc. Quoi qu'il en soit, mais peut-on raisonner régulièrement sur le flux et le reflux de nos humeurs? Elles dépendent peut-être des mêmes causes que les marées. Et si cela était, ce serait une espèce d'excuse à cette inconscience à laquelle nous sommes si sujets. Je sais bien, pour ceux qui me regardent, que j'aimerais mieux qu'on dît de moi, dans une affaire où il n'y aurait ni péché ni honte, que j'ai été dirigé par les influences de la lune, que d'entendre attribuer l'action où il y en aurait à mon libre arbitre. Quoi qu'il en soit, car il faut revenir où j'en étais, je n'eus pas sitôt jeté les yeux sur le moine que je me sentis prédéterminé à ne lui pas donner un sol. Je renouai effectivement le cordon de ma bourse, et je la remis dans ma poche. Je pris un certain air, et la tête haute, j'avançai gravement vers lui. Je crois même qu'il y avait quelque chose de rude et de rebutant dans mes regards. Sa figure est encore présente à mes yeux. Et il me semble, en me la rappelant, qu'elle méritait un accueil plus honnête. Si j'en juge par sa tête chauve et le peu de cheveux blancs qui lui restaient, il pouvait avoir 70 ans. Cependant, ses yeux, où l'on voyait une espèce de feu, que l'usage du monde avait plutôt modéré que le nombre des années, n'indiquait que 60 ans. La vérité était peut-être au milieu de ces deux calculs. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir 65 ans. Sa physionomie, en général, lui donnait cet âge. Les rides dont elle était sillonnée ne sont rien à la chose. Elle pouvait être prématurée. C'était une de ces têtes qui sont souvent sorties du pinceau du guide. Une figure douce, pâle, n'ayant point l'air d'une ignorance nourrie par la présomption. Des yeux pénétrants, et qui cependant se baissaient avec modestie vers la terre, et semblaient viser à quelque chose au-delà de ce monde. Dieu sait mieux que moi comment cette tête et cette figure avaient été placées sur les épaules d'un moine, et surtout d'un moine de son ordre. Elle aurait mieux convenu à un brahmane. Mais il l'avait, et je l'aurais respecté si je l'avais rencontré dans les plaines de l'Hindoustan. Le reste de sa figure était ordinaire, et il aurait été aisé de la peindre, parce qu'il n'y avait rien d'agréable, ni de rebutant, que le caractère et l'expression rendaient telle. Sa taille au-dessus de la médiocre était un peu raccourcie par une courbure, un pli qu'elle faisait en avant. Mais c'était l'attitude d'un moine qui se voue à l'art de mendier, et à tout prendre, telle qu'elle se présente en ce moment à mon imagination, Elle gagnait plus qu'elle ne perdait à être ainsi. Il fit trois pas en avant dans la chambre, mit la main gauche sur sa poitrine et se tint debout avec un bâton blanc dans sa main droite. Il détailla les besoins de son couvent et la pauvreté de son ordre. Il le fit d'un air si naturel, si gracieux, si humble, qu'il fallait que j'eusse été ensorcelé pour n'en être pas touché. Mais la meilleure raison que je puisse alléguer de mon insensibilité, c'est que j'étais prédéterminé à ne lui pas donner un sol. Chapitre 4. Cause de repentir. Il est bien vrai, lui dis-je, pour répondre à une élévation de ses yeux qui avait terminé son discours. Il est bien vrai. Je souhaite que le ciel soit propice à ceux qui n'ont d'autres ressources que la charité du public. Mais je crains qu'elle ne soit pas assez zélée pour satisfaire à toutes les demandes qu'on lui fait à chaque instant. À ce mot de demande, il jeta un coup d'œil léger sur une des manches de sa robe. Je sentis toute l'éloquence de ce langage. « Je l'avoue, dis-je, un habit grossier qu'il ne faut user qu'en 3 ans, et un ordinaire apparemment fort mince, je l'avoue, tout cela n'est pas grand-chose. Mais encore est-ce dommage qu'on puisse les acquérir dans ce monde avec aussi peu d'industrie que votre ordre en emploie pour se les procurer. Il ne les obtient qu'aux dépens des fonds destinés aux aveugles, aux infirmes, aux estropiés et aux personnes âgées. Le captif, qui le soir en se couchant compte les heures de ses afflictions, languit après une partie de cette aumône à laquelle il aspire. Que n'êtes-vous de l'ordre de la Merci, au lieu d'être de celui de Saint-François? Pauvre comme je suis, vous voyez mon porte-manteau, il est léger, mais il se serait ouvert avec plaisir pour contribuer à rançonner des malheureux. Le moine me salua. Mais surtout, ajoutai-je, les infortunés de notre propre pays exigent la préférence, et j'en ai laissé des milliers sur les rivages de ma patrie. Il fit un mouvement de la tête, plein de cordialité, qui semblait me dire que la misère règne dans tous les coins du monde, aussi bien que dans son couvent. Mais nous distinguons, lui dis-je en posant la main sur la manche de sa robe, dans l'intention de répondre à son signe de tête, nous distinguons, mon bon père, ceux qui ne désirent d'avoir du pain que par leur propre travail, d'avec ceux qui, au contraire, ne veulent vivre qu'aux dépens du travail des autres, et qui, en demandant le nécessaire pour l'amour de Dieu, n'ont d'autre plan de vie que de l'acquérir par le moyen de leur oisiveté et de leur ignorance. Le pauvre franciscain ne répliqua pas. Un rayon de rougeur traversa ses joues et se dissipa dans un clin d'œil. Il semblait que la nature épuisée ne lui fournissait point de ressentiment. Du moins, il n'en fit pas voir. Il laissa tomber son bâton blanc sur son bras, se baissa avec résignation sur ses deux mains et se retira. Chapitre 5. L'utilité des avocats. Il n'eut pas sitôt fermé la porte que mon cœur me fit un reproche de dureté. Je voulus, à 3 fois différentes, prendre un air de sans souci, mais ma tranquillité ne revenait pas. Tout ce que je lui avais dit de désagréable se présenta de nouveau à mon imagination. Je fis réflexion que je n'avais d'autre droit sur ce pauvre moine que de le refuser, et que c'était une peine assez grande pour moi, sans y ajouter des paroles dures. Je me rappelai ses cheveux gris. sa figure, son air honnête, se retraçaient à mes yeux, et il me semblait l'entendre dire « Quel mal vous ai-je fait? Pourquoi me traiter ainsi ?» En vérité, j'aurais dans ce moment donné 20 francs pour avoir un avocat. Il m'aurait trouvé des raisons pour concilier tout cela. Cependant, je me consolais un peu. « Je me suis mal comporté, me disais-je. Mais ne vais-je pas courir le monde? Je ne fais que commencer mes voyages. J'apprendrai par la suite à me mieux conduire. » Chapitre 6. La désobligeante à Calais. J'avais remarqué qu'un homme mécontent de lui-même, était dans une position d'esprit admirable pour faire un marché. Il me fallait une voiture pour voyager en France. Les piétons sont mal reçus dans les auberges. J'aperçus des chaises dans la cour de l'hôtellerie, et je descendis de ma chambre pour en acheter ou pour en louer une. Une vieille désobligeante, qui était placée dans le coin, le plus reculé de la cour, me frappa d'abord les yeux, et je sautai dedans. Je la trouvai assez commode, elle me plut, et je fis appeler Monsieur Dessin, le maître de l'hôtellerie. Mais Monsieur Dessin était allé à Vêpres. Cela me fâcha un peu. J'aurais fait tout de suite mon affaire. J'allais descendre, lorsque j'aperçus le moine de l'autre côté de la cour, causant avec une dame qui venait d'arriver à l'auberge. Je ne voulais pas qu'il me visse. Je tirai le rideau de taffetas. Mais que faire dans une désobligeante? Parbleu, me voilà bien embarrassé, dis-je. J'ai envie d'écrire mon voyage. Qui m'empêche d'en faire ici la préface? Je tirai de ma poche ma plume, sans fin, et je me mis à écrire. Chapitre 7. Préface dans la désobligeante. Je ne doute point qu'il n'y ait des philosophes, péripatéticien ou autre, il n'importe, qui n'ait observé que la nature, de sa propre autorité, avait mis des bornes au mécontentement de l'homme. Pour moi, je l'ai remarqué, et j'ai cru voir qu'elle avait agi pour lui de la manière la plus commode et la plus favorable. Elle l'a, en effet, obligé à travailler pour obtenir ses aisances, et pour soutenir les revers de la fortune dans son propre pays. Ce n'est que chez lui qu'elle l'a pourvu d'objets les plus propres à participer à son bonheur, ou à supporter une partie de ses peines. Fardeau qui, dans tous les âges et dans toutes les contrées, a toujours paru trop pesant pour les épaules d'une seule personne. Il arrive quelquefois, malgré cela, que nous pouvons étendre notre bonheur au-delà des limites de notre patrie. Mais l'embarras de s'exprimer, le manque de connaissances, le défaut de liaison, la différence qui se trouve dans l'éducation, les mœurs, les coutumes, tout cela forme tant de difficultés. Nous trouvons tant d'obstacles à communiquer nos sensations hors de notre propre sphère qu'il est presque impossible de les surmonter. Il s'ensuit de là que la balance du commerce sentimental est toujours contre celui qui sort de chez lui. Les gens qu'il rencontre lui font acheter au prix qu'ils veulent les choses dont il n'a guère besoin. Ils prennent rarement sa conversation en échange pour la leur, sans qu'ils y perdent. Et il est forcé de changer souvent de correspondant pour tâcher d'en trouver de plus équitables. On devine aisément tout ce qu'il a à souffrir. Cela me conduit à mon sujet. Et si le mouvement que je fais faire à la désobligeante me permet d'écrire, je vais développer les causes qui excitent à voyager. Les gens oisifs qui quittent leur pays natal pour aller chez les étrangers ont leurs raisons. Elles viennent de l'une ou de l'autre de ces trois causes générales. Infirmité du corps, faiblesse d'esprit, nécessité inévitable. Les deux premières causes renferment ce que l'orgueil, la curiosité, la vanité, une humeur sombre excite à s'expatrier, et cela peut être combiné et subdivisé à l'infini. La troisième classe offre une armée de pèlerins, ou plutôt de martyrs. C'est ainsi que voyagent, sur l'obédience d'un supérieur, les moines de toutes les couleurs. C'est ainsi que les coupables vont chercher le châtiment de leurs crimes. Et vous, heureux enfants de famille, aimables libertins, n'est-ce pas aussi de cette manière que vous faites des voyages auxquels vous êtes forcés par des parents barbares, qui s'érigent en perturbateurs de vos plaisirs? Mais qu'ai-je fait? Réparons promptement cette faute. J'ai oublié une autre classe. On ne peut, dans un ouvrage de la nature de celui-ci, observer trop de délicatesse et de précision pour ne point confondre les caractères. Les hommes dont je veux parler ici sont ceux qui traversent les mers et séjournent chez les étrangers, dans l'idée ou d'y faire fortune ou de dépenser moins que chez eux. L'imagination la plus vive ne pourrait se retracer la variété de leurs prétextes. Peut-être s'épargneraient-ils beaucoup de peines inutiles en restant dans leur pays. Mais cette réflexion n'empêche pas leurs esseins nombreux de se répandre, et comme leurs raisons de voyager ne sont pas aussi uniformes que celles des autres voyageurs, je les distinguerai seulement sous le titre de simples voyageurs. Et voici comme je divise le cercle entier des voyageurs. Voyageurs oisifs, voyageurs curieux, voyageurs menteurs, voyageurs orgueilleux, voyageurs vains, voyageurs sombres. Viennent ensuite les voyageurs contraints, les moines, les bandits, etc. Les voyageurs innocents et infortunés, les voyageurs simples. Enfin, s'il vous plaît, le voyageur sentimental ou moi-même, qui est aussi voyagé. Je vais rendre compte de mes voyages, et si l'on me demande pourquoi je les ai faits, je n'ai rien de caché pour vous, mon cher lecteur. Je les ai faits par nécessité et par le besoin que j'avais de voyager autant que tout autre. Je sais que mes observations sont d'une tournure différente de celle des écrivains qui m'ont précédé, et que j'aurais peut-être pu exiger pour moi seul une niche à part. Mais en voulant attirer l'attention sur moi, ce serait empiéter sur les droits du voyageur vain, et j'abandonne cette prétention jusqu'à ce qu'elle soit mieux fondée que sur l'unique nouveauté de ma voiture. Mon lecteur se placera lui-même comme il voudra dans le catalogue. Il ne lui faut, s'il a voyagé, que peu d'études et de réflexions pour se mettre dans le rang qui lui convient. Ce sera toujours un pas qu'il aura fait pour se connaître. Et je parierai, malgré ses voyages, qu'il s'apercevra qu'il a conservé quelque teinture de ce qu'il était avant qu'il les commençât. L'homme qui le premier transplanta des ceps de vignes de Bourgogne au cap de Bonne-Espérance ne s'imagina pas, sans doute, quoique hollandais, qu'il boirait au cap du même vin que ces ceps de vignes auraient produit sur les coteaux de Beaune et de Pommard. Il était trop flegmatique pour s'attendre à pareille chose, mais il était au moins dans l'idée qu'il boirait une espèce de liqueur vineuse, bonne, médiocre ou tout à fait mauvaise. Il fallait que cela ne dépendait pas de son choix, et que ce qu'on appelle hasard devait décider du succès. Cependant, il en espérait la meilleure réussite. Mais Van Miner, par une confiance trop présomptueuse dans la force de sa tête et dans la profondeur de sa discrétion, aurait bien pu voir renverser l'une et l'autre par les fruits de son nouveau vignoble et devenir la risée du peuple. Il n'aurait pas été le premier cultivateur des coteaux qui, pour prix de ses soins, eût montré sa nudité. Il en est de même d'un pauvre voyageur qui se hisse dans un vaisseau ou qui court la poste à travers les royaumes les plus policés du globe pour s'avancer dans la recherche des connaissances et des perfections. On peut en acquérir en courant les mers et la poste dans cette vue, mais c'est mettre à la loterie. En supposant qu'on obtienne ainsi des connaissances utiles et des perfections réelles, il faut encore savoir se servir de ce fonds acquis avec précaution et avec économie pour le faire tourner à profit. Malheureusement, les chances vont ordinairement au revers, et pour l'acquisition et pour l'application. Cela me fait croire qu'un homme pourrait vivre tout aussi content dans son pays sans connaissance et sans perfection étrangère, surtout si on n'y avait pas absolument besoin des unes et des autres. Je tombe en défaillance quand j'observe tous les pas que fait un voyageur curieux pour jeter les yeux sur des spectacles et des découvertes qu'il aurait pu voir chez lui. Et pourquoi tant de peine et de fatigue, disent en duo Don Quichotte et Sancho Panza. Le siècle est si éclairé qu'à peine il y a quelques pays ou quelques coins dans l'Europe dont les rayons ne soient pas traversés ou échangés réciproquement avec d'autres. Les rameaux divers des connaissances ressemblent à la musique dans les rues des villes d'Italie. On participe gratis à ces agréments. Mais il n'y a pas de nation sous le ciel. Et Dieu, à qui je rendrai compte un jour de cet ouvrage, Dieu est témoin que je parle sans ostentation. Il n'y a pas, dis-je, une nation sous le ciel qui soit plus féconde dans les genres variés de la littérature, où l'on fête plus les sciences, où l'on puisse les acquérir avec plus de sûreté, où les arts soient plus encouragés et plutôt portés à leur perfection, où la nature soit plus approfondie, où le génie soit mieux soutenu par la variété des esprits et des caractères. Où allez-vous donc, mes chers compatriotes? Nous, dirent-ils, nous ne faisons que regarder cette chaise. Votre très humble serviteur, leur dis-je, en sautant dehors et en ôtant mon chapeau. L'un d'eux, qui était un voyageur curieux, me dit qu'ils avaient envie de savoir d'où venait ce mouvement qu'ils avaient remarqué dans la chaise. C'était, comme vous voyez, l'agitation d'un homme qui écrivait une préface. « Je n'ai jamais entendu parler, dit l'autre, qui était un voyageur simple, d'une préface écrite dans une désobligeante. Elle aurait peut-être été plus chaudement faite, lui dis-je, dans un vis-à-vis. Mais un Anglais ne voyage pas pour voir des Anglais. Je me retirai dans ma chambre. Chapitre 8. Un prêté pour un rendu. Je marchais dans le long corridor. Il me semblait qu'une ombre plus épaisse que la mienne en obscurcissait le passage. C'était effectivement Monsieur Dessin qui, étant revenu de vêpres, me suivait complaisamment, le chapeau sous le bras, pour me faire souvenir que je l'avais demandé. La préface que je venais de faire dans la désobligeante m'avait dégoûté de cette expérience, de cette espèce de voiture, et M. Dessin ne m'en parla que par un haussement d'épaule, qui voulait dire qu'elle ne me convenait pas. Je jugeais aussitôt qu'elle appartenait à quelque voyageur idiot, qui l'avait laissée à la probité de M. Dessin pour en tirer ce qu'il pourrait. Il y avait 4 mois qu'elle était dans le coin de la cour. C'était le point marqué où, après avoir fait son tour d'Europe, elle avait dû revenir. Lorsqu'elle en partit, elle n'avait pu sortir de la cour sans la raccommoder. Elle s'était depuis brisée 2 fois sur le Mont-Cenis. Toutes ses aventures ne l'avaient pas améliorée, et son repos oisif, dans le coin de la cour de M. Dessin, ne lui avait pas été favorable. Mais encore valait-elle quelque chose? Peut-être était-elle à quelque personne brouillée avec la fortune, et quand quelques paroles peuvent soulager la misère, je déteste l'homme qui en est avare. Je dis à Monsieur Dessein, en appuyant le bout de mes doigts sur sa poitrine, « En vérité, si j'étais à votre place, je me piquerais d'honneur pour me défaire de cette désobligeante. Elle doit vous faire des reproches toutes les fois que vous en approchez. »« Mon Dieu, monsieur, dit Monsieur Dessein, je n'y ai aucun intérêt. »« Excepté, dis-je, l'intérêt que des hommes d'une certaine tournure d'esprit, Monsieur Dessein, prennent dans leurs propres sensations. » Je suis persuadé qu'un homme qui sent pour les autres aussi bien que pour lui-même... Mais, monsieur Dessein, je vous connais aussi bien que si je vous avais vu toute ma vie. Vous vous déguisez inutilement. Je suis persuadé que chaque nuit pluvieuse vous fait de la peine. Vous souffrez autant que la machine. J'ai toujours observé, lorsqu'il y a de l'aigre doux dans un compliment, qu'un Anglais est en doute s'il se fâchera ou non. Un Français n'est jamais embarrassé. Monsieur Dessein me salua. « Ce que vous dites est bien vrai, monsieur, dit-il, mais je ne ferai, dans ce cas-là, que changer d'inquiétude et avec perte. Figurez-vous, je vous prie, mon cher monsieur, si je vous vendais une voiture qui tomba en lambeaux avant d'être à la moitié du chemin, figurez-vous que ce que j'aurais à souffrir de la mauvaise opinion que j'aurais donnée de moi à un homme d'honneur et de m'y être exposé vis-à-vis d'un homme d'esprit. La dose était exactement pesée au poids que j'avais prescrit. Il fallut que je la prisse. Je rendis à Monsieur Dessein son salut, et sans parler davantage de cas de conscience, nous marchâmes vers sa remise pour voir son magasin de chaises. Chapitre 9. Dans la rue à Calais. Le globe que nous habitons est apparemment une espèce de monde querelleur. Comment, sans cela, l'acheteur d'une aussi petite chose qu'une mauvaise chaise de poste pourrait-il sortir dans la rue avec celui qui veut la vendre dans des dispositions pareilles à celles où j'étais? Il ne devait tout au plus être question que d'en régler le prix, et je me trouvais dans la même position d'esprit. Je regardais mon marchand de chaises avec les mêmes yeux de colère que si j'avais été en chemin pour aller au coin de Hyde Park me battre en duel avec lui. Je ne savais pas trop bien manier l'épée, et je ne me croyais pas capable de mesurer la mienne avec celle de Monsieur Dessein. Mais cela m'empêchait pas que je ne sentisse en moi les mouvements dont on est agité dans cette espèce de situation. Je regardais Monsieur Dessein avec des yeux perçants. Je les jetais sur lui en profil, ensuite en face. Il me semblait un juif, un turc. Sa perruque me déplaisait. J'implorais tous mes dieux pour qu'il le maudisse. Je le souhaitais à tous les diables. Le cœur doit-il donc être en proie à toutes ces émotions pour une bagatelle? Qu'est-ce que c'est que 3 ou 4 louis qu'il peut me faire payer de trop? Passion basse, me dis-je, en me retournant avec la précipitation naturelle d'un homme qui change subitement de façon de penser. Passion basse, vile, tu fais la guerre aux humains. Il devrait être en garde contre toi. Dieu m'en préserve, s'écria-t-elle en mettant la main sur son front. Et je vis en me retournant la dame que le moine avait abordée dans la cour. Elle nous avait suivis sans que nous en fussions aperçus. Dieu vous conserve, lui dis-je, en lui offrant mon bras. Elle avait des gants de soie noire qui étaient ouverts au bout des pouces et des doigts. Elle accepta mon bras sans façon, et je la conduisis à la porte de la remise. Monsieur Dessein dit plus de 50 fois, « Le diable emporte les clés !» Il ne trouvait pas la bonne. Nous étions aussi impatients que lui de voir cette porte ouverte, et nous étions si attentifs à l'obstacle que je pris la main de la dame sans presque m'en apercevoir. La clé ne se trouvant point, Monsieur Dessin nous laissa ensemble, la main de la dame dans la mienne, et le visage tourné vers la porte de la remise, en nous disant qu'il serait de retour dans 5 ou 6 minutes. Mon colloque de 5 ou 6 minutes, dans une pareille situation, fait plus d'effet que s'il durait 5 ou 6 siècles le visage tourné vers la rue. Ce que l'on se dit dans ce dernier cas ne vient ordinairement que des accidents qui arrivent au dehors. Mais quand les yeux ne sont point distraits et qu'ils se portent sur un point fixe, le sujet du dialogue ne vient uniquement que de nous-mêmes. Je sentis l'importance de la situation. Un moment de silence après le départ de M. Dessin y eût été fatal. La dame se serait infailliblement retournée. Je commençai la conversation sur le champ. Je n'écris pas pour excuser les faiblesses de mon cœur. Un voyageur doit être fidèle dans ses récits. Je vais donc décrire toutes les sensations que j'éprouvais dans cette occasion. On me dira peut-être que je les décris avec trop de simplicité. Pourquoi mettrais-je du fard à ce qui n'en a point eu ?